Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 39 dans l'explication de Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et le sharh qui est utilisé ou employé pour faire ce cours, bon, on a utilisé plusieurs sharhs. Au début, on a commencé avec le sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan, et puis ensuite, on utilise également le sharh de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qui est ici, hein, qui s'appelle Al-Kawakib al-Durriya, et il y a aussi le sharh de Cheikh Saleh al-Sheikh. Et des fois aussi, on a eu recours au sharh de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, mais c'est un sharh qui est en audio. C'est pas un sharh qui est en écrit encore, il n'est pas publié, c'est pas retranscrit. Puis aussi, des fois, on a eu recours aussi au sharh de Cheikh Rajihi. Donc, c'est différents shuruh qu'on utilise pour clarifier la signification des explications des paroles des salafs et des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, le livre de Al-Fatwa al-Hamawiyya, c'est au sujet des noms et des attributs d'Allah et l'affirmation des noms et des attributs d'Allah selon Ahlus Sunnati wal Jama'a et la réfutation des gens de Kalam et des gens de Akini ou déforme le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il cite, on est rendu à la partie, parce que dans le début du livre, il établit des règles et des principes pour montrer la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs. Puis il établit les règles par lesquelles on peut réfuter les fondements des gens de Kalam et des gens de Bid'a. On a terminé avec cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il confirme et établit le principe de manhaj des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah dans les paroles et les citations des imams des salafs salih. Donc là, c'est là, on est rendu dans cette partie où il cite justement des paroles de ulama qui vont confirmer que la méthodologie des salafs, c'est d'affirmer les noms et les attributs et de ne pas les déformer et de ne pas les nier. Hein. Et de contredire la voix des Jahmiyyah et ceux qui les ont suivis. Parmi les autres sectes d'égarement à ce sujet-là, comme les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya et ceux qui les ont, qui leur ressemblent, comme les Ahbash à notre époque, la secte des Ahbash et ainsi de suite. Au dernier cours, on a lu la parole de Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, qui était le compagnon de Muhammad ibn al-Hassan. Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, c'était un des grands juges de la région de la ville de Ray, et il était le compagnon de Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad ibn al-Hassan, un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, et on a parlé un peu de lui. Donc il mentionne l'histoire, Ibn Taymiyyah cite cette histoire-là qui est rapportée par Cheikh al-Islam Abu Ismail al-Ansari al-Harawi dans son livre Al-Faruq. Et qui mentionne en fait que l'imam, le juge Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, il avait fait emprisonner un homme parce qu'il faisait partie des Jahmiyyah et il niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a fait emprisonner. Probablement parce que c'est quelqu'un qui appelait à sa bid'a. Et une des punitions que les ulama ont établies sur les gens de bid'a, surtout ceux qui appellent à leur bid'a, c'est qu'ils peuvent être parfois exécutés, parfois emprisonnés, parfois punis de différentes façons. Et selon ce que les juges décident. Lui, il a été emprisonné. Puis ensuite, il s'est repenti, ou il a prétendu s'être repenti et être revenu de cette bid'a des Jahmiyyah, de la négation des attributs d'Allah et du fait qu'Allah est au-dessus de sa création et au-dessus de son trône. Alors on l'a fait venir devant le juge Hisham ibn Ubaydillah al-Razi pour qu'il soit libéré. Alors il est venu devant le juge et il a dit « Alhamdulillah ala tawbah » c'est-à-dire « Louange à Allah pour cette repentance ». Alors le juge Hisham, il lui a fait passer un test pour voir si vraiment il s'est repenti, parce que la repentance, c'est pas juste une parole qu'on dit avec la bouche comme ça, tu dis « ça y est, je me suis repenti, c'est fini ». Non, il faut qu'on le teste pour savoir est-ce que c'est vrai. Alors il a dit « Atashhadu anna Allah ala abshihi ba'inun min khalqihi » Est-ce que tu témoignes que Allah est au-dessus de son trône, séparé de sa création? Alors il a répondu, il a dit, je témoigne, ashhadu anna Allah ala arshihi, wa la adri ma ba'inun min khalqihi. Il dit, je témoigne que Allah est au-dessus de son trône, mais je ne sais pas s'il est séparé de sa création. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hisham? Il a dit, rudduhu ila al-habs, fa innahu lam yatub. C'est-à-dire, renvoyez-le en prison parce qu'il ne s'est pas repenti encore. Pourquoi? Parce qu'il a dit, oui, je témoigne qu'Allah est au-dessus de son trône, mais je ne sais pas s'il est séparé de sa création. Ça veut dire qu'il croit encore qu'il est mélangé avec la création. Et ça, c'est l'aqida des Jahmiyyah et des Soufiyyah qui croient en Wahdatul Wujud et des choses de ce genre. Donc, ça nous montre la position des salafs envers les gens de bid'a et comment ils étaient durs envers eux et comment ils, justement, les testaient et les mettaient à l'épreuve pour savoir réellement leur position et leur aqida. Et ça prouve qu'on a le droit, hein, dans l'islam, de tester un individu quand il est accusé ou quand il est soupçonné d'être sur une bid'a quelconque ou qu'il est soupçonné d'être sur un égarement pour savoir réellement c'est quoi sa croyance, hein, et pour qu'on puisse découvrir justement s'il est sincère, véridique ou non. Après, il cite encore d'autres paroles de d'autres ulama. Donc il Cheikh l'Islam, il dit wa rawa aidan an Yahya ibn Mu'adh ar-Razi annahu qala inna Allah 'ala al-'arsh بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cette parole, c'est qu'il dit qu'il a été également rapporté selon Yahya ibn Mu'az al-Razi, qu'il a dit « Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, séparé de sa création, et il enveloppe toutes choses de sa science, et il a calculé et énuméré toutes choses par son nombre. » Et il dit « Il n'y a pas de doute en cette parole, et personne ne doute en cette parole, excepté un Jahmi, excepté quelqu'un qui est sur la secte des Jahmiyyah, hein, qui nie les noms et les attributs d'Allah, radi'un dillil, c'est-à-dire quelqu'un qui est mauvais et qui est égaré et qui aime l'égarement. Wa halikun murtab, hein, quelqu'un qui est dans la perdition et qui est dans le doute, hein, qui doute. Il mélange Allah à sa création et il mélange son être, l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les saletés et les choses puantes. Hein? C'est-à-dire que, comme c'est Jahmiya, il croit que Allah est tout, et partout, et dans toutes choses, hein? Et dans tous les lieux, et partout par son être, hein? Qu'il est mélangé avec sa création littéralement. Donc, ça, c'est la croyance des panthéistes, hein? Des hindous et des autres, il y a des sectes et des religions de shirk. Donc, eux, ils pensent, ils ont cette idée-là à propos d'Allah. Il y a des soufis, comme je disais tout à l'heure, qui croient en Wahdatul Wujud et en Al-Hulul, qui mélangent Allah avec sa création. Et c'est pour ça que les salafs, ils disaient, séparés de sa création, au-dessus de son trône, pour complètement éliminer cette idée ou cette pensée de mélange entre le, création, le créateur et la créature. Donc la croyance des soufis, il y a comme Ibn Arabi, qui est un des égarés et des hérétiques qui appelait à la croyance de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est uniquement Allah et qu'il n'y a rien d'autre qui existe en dehors d'Allah. Tout est Allah et Allah est tout. Et que pour lui, tu ne peux pas distinguer entre le créateur et la créature. Parce que le créateur, c'est la créature, puis la créature, c'est le créateur, et les deux sont une seule et même chose. Et donc, pour lui, tout ce qui existe, c'est Allah. Et pour lui, à cause de ça, les idolâtres qui adorent les idoles, ce ne sont pas des mouchriquins. Tant qu'ils disent que c'est Allah qu'ils adorent dans cette idole. C'est-à-dire, quand ils disent qu'on utilise cette idole pour adorer à travers elle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'exemple du shirk même, hein? Et l'idée, la même idée que l'idée des hindous qui adorent des milliers d'idoles, et l'idée des mouchriquins de Quraysh, hein, qui adoraient plein d'idoles aussi et qui disaient on les utilise uniquement comme des intermédiaires ou des intercesseurs. Donc tout ça c'est l'exemple du shirk. Et le pire c'est qu'ils traitent les gens du tawhid de mouchriquins. Il traite les musulmans qui sont sur le tawhid et qui distinguent entre le créateur et la créature, il les traite de mushrikin. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous faites le shirk parce que vous dites qu'il y a deux choses qui existent au lieu d'une. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'il n'y a que Allah qui existe, vous dites qu'il y a Allah et il y a sa création. Et ça, ce n'est pas de l'unicité, c'est de la dualité. Donc, vous êtes des mushrikin. Hein? Et donc, ils traitent les prophètes et les messagers d'Allah de mushrikin, et eux, ils se considèrent comme étant les vrais gens du tawhid et les vrais muwahidin. Hein? Donc ça, c'est de cette façon-là que les gens de l'égarement déforment la vérité et rendent la vérité, ils font de la vérité comme si c'était un mensonge, et le mensonge, ils font du mensonge une vérité. Et c'est pour ça donc que c'est dangereux, Yanni, ce genre de croyance. Et comment quelqu'un, Yanni, peut considérer les prophètes comme des mouchriquins et que considérer que le shirk, c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est le shirk. Non. Donc, on va aller juste pour comprendre un peu cette citation. Qui est l'imam qui est cité ici? Yahya ibn Mu'adh al-Razi. Yahya ibn Mu'adh al-Razi, sa kunya c'est Abu Zakaria, fait partie des savants et des zuhad. Il fait partie des zuhad, c'est-à-dire des gens qui étaient parmi ceux qui se détachaient de la dunya. C'est des gens qui s'attardaient pas du tout à la dunya, ils étaient des gens très, très religieux, très pieux. Il avait également de nombreuses paroles dans les domaines de l'exhortation et du détachement des biens et de la richesse, c'est-à-dire de ne pas s'attacher à la dunya. Et il est mentionné par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, et l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, il en parle dans Tarikh Baghdad. Il est mort en l'an 258 de la Hijra. 258. Donc ça c'est l'imam ici qui est cité, ok. Et ensuite il y a une autre parole maintenant, c'est rapporté également selon Aliyun ibn al-Madini. Aina ibn al-Madini, un grand imam. Rawa aydan an ibn al-Madini lamma su'ila ma qawl ahli al-jama'a قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Donc cette parole c'est rapportée selon Ibn al-Madini, lorsqu'il a été questionné au sujet de la parole des gens de la Jama'a, c'est-à-dire les gens d'Ahl al-Sunnah, hein? Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on les appelle Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et pourquoi on les appelle Ahl al-Sunnah wal-Jama'a? Parce que c'est les gens qui s'accrochent à la Sunnah et par conséquent ils sont unis et ils restent avec la Jama'a parce qu'ils s'accrochent tous sur la vérité ensemble. Donc ils sont unis. Et c'est une des conséquences et des caractéristiques des gens de la Sunna, c'est qu'ils restent unis et qu'ils ne se divisent pas. Tandis que, par opposition à eux, on appelle les gens de la Bid'a et de l'Al-Furqa. Ahlul Bid'a ou Al-Furqa, c'est-à-dire les gens de la Bid'a et de la division. Pourquoi? Parce que le résultat de la Bid'a, c'est la division. D'accord? Donc, et il demande donc c'est quoi la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet de la Aqidah et au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc il lui répond, Ibn al-Madini, et il dit يُؤْمِنُونَ بِالرُّؤْيَةِ وَالْكَلَامِ, c'est-à-dire il croit en la vision, c'est-à-dire en la vue d'Allah, c'est-à-dire qu'on va voir Allah au jour de la résurrection et dans le paradis. Donc on y croit, tandis que les Mu'tazila, eux, ils nient ça. Ils disent non, personne ne peut voir Allah ni dans la dunya ni dans l'au-delà. Et nous on répond, on dit à ça non, parce qu'il y a des preuves dans le Coran qui mentionnent qu'on va pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà au jour de la résurrection et dans le paradis. Il y a des textes clairs dans la sunna à ce sujet-là. Naam, au sujet de la vue dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire la vue avec les yeux, les savants disent personne ne peut voir Allah dans cette vie avec ses yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, لَن تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا, c'est-à-dire vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Avant la mort, vous n'allez jamais voir votre Seigneur. Et la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a une narration de Aïcha radiallahu anha qui dit que quand elle a demandé au messager d'Allah, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu as vu Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié. Il a dit non. Il a dit Nourun anna ara, c'est-à-dire il y avait de la lumière, comment aurais-je pu le voir? Et dans une autre narration de Abdullah ibn Abbas, qu'il mentionne qu'il a vu son Seigneur, et il a expliqué qu'en fait c'est ru'yatul qalb, ru'ya al-qalbiya, c'est-à-dire qu'il l'a vu en rêve, il l'a vu dans son cœur, et non pas avec ses yeux. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre les deux, il n'y a pas de contradiction du tout. Et il y a le verset dans le Coran qui dit وَجُوهُ يَوْمَ إِذِنْ نَاظِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً. Et il y a les versets dans le Coran où lorsque Moussa a.s. demande de voir Allah, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit regarde la montagne et si elle reste sur place alors tu me verras. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à la montagne, elle devient poussière, et à ce moment là Moussa tombe inconscient. Donc c'est pour dire que personne ne peut voir Allah dans cette vie d'ici-bas. Et il y a un hadith qui dit si Allah subhanahu wa ta'ala posait son regard dans cette dunya, eh bien tout ce que son regard touche serait détruit par la force de son regard. Tu vois, donc on ne pourrait pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, mais au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux hommes une... Il va les créer d'une manière qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de supporter et de le voir. Donc ça c'est particulier. Non. Donc ça c'est comme je t'ai dit, il y a des savants comme Abdullah ibn Abbas qui a affirmé la vue du cœur. Donc ça c'est quelque chose qui a été affirmé. Mais de la vue avec les yeux, les savants sont d'accord pour dire que personne ne peut voir Allah dans cette dunya avec ses yeux. Ça, c'est certain. Hein? Même s'il y a des soufis, il y a peut-être qui vont, eux, prétendre. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs comme ça, des turcs soufis, qui prétendent qu'ils peuvent voir Allah en état d'éveil ou des choses comme ça. Tout ça, c'est, bien entendu, c'est de l'égarement, c'est du mensonge. Et c'est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna qui sont authentiques. Donc, nous on affirme qu'on va pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et même qu'il y a des versets dans le Coran qui mentionnent que les hypocrites et les kuffars, eux, vont être privés de le voir, et que ça, ça va être un châtiment, hein, pour eux ce jour-là. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum yawma idhin an rabbihim la mahjubun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, c'est-à-dire ils vont être voilés, hein, de leur Seigneur ce jour-là, ils ne pourront pas le voir. Et donc ça fait partie des preuves. Et les gens de Bid'a, comme les Mu'tazila et les Jahmiya, ils disent non, on ne peut pas le voir Allah, parce qu'il n'est pas dans une direction ou dans un endroit. Donc il n'est pas dans une direction ou dans un endroit. Donc si tu dis que tu peux le voir, ça veut dire que tu lui attribues une direction ou un endroit ou une limitation. Et donc pour eux, ça veut dire que ça implique qu'il est créé. Et donc ça veut dire que selon eux, c'est comme pour eux, c'est du pouf. Alors qu'en réalité, ça n'implique pas du tout ce que eux s'imaginent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné qu'on va le voir dans le Coran. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innakum tarawna rabbakum, hein, la tudarruna fi ru'yatihi. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala, et il a comparé même qu'on pourra le voir comme on voit la lune dans une nuit de pleine lune, et comme on voit le soleil dans une journée dans laquelle il n'y a pas de nuages, hein. Donc il a demandé aux sahaba, est-ce que vous avez de la difficulté à voir la lune quand c'est la pleine lune puis qu'il n'y a pas de nuages, ou quand c'est le jour et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, est-ce que vous avez de la difficulté à voir le soleil? Ils ont dit non. Alors vous allez voir votre Seigneur de cette façon. Donc ça, c'est, il n'y a pas plus clair que ça, tu vois. Et donc ça c'est pour la ru'ya. En ce qui concerne, qu'est-ce qu'il a dit ensuite, wal kalam, c'est-à-dire l'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut et comme il veut, et que ça fait partie de ses attributs d'être et de ses attributs d'action. Ok, ça, il a toujours eu la capacité de parler, et il parle quand il veut, hein, et il dit ce qu'il veut, et il dit la vérité, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit affirmer ça. Eux, ils nient, hein, les gens de Bid'a, ils nient la parole, la parole d'Allah. Ils disent que si on affirme la parole, ça implique plein d'autres choses, puis ils essaient de dire que à cause de ça, on ne peut pas affirmer la parole. Donc tout ça, c'est, il y en a des excuses, puisque si Allah l'a affirmé, donc ça veut dire qu'il peut parler. Hein, il parle comme il veut. Et que le Coran, c'est sa parole. Hein. Il dit « Wa anna Allah fawqa as-samawat » que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et il s'est élevé au-dessus de son trône. « Istawa » Et on lui a posé la question ensuite au sujet de la parole d'Allah dans le Coran lorsqu'il dit ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dans sourate al-mujadala verset 7, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion secrète, hein, entre trois personnes excepté que Allah est le quatrième. Et ensuite qu'est-ce qu'il a répondu, parce que il a posé la question à l'imam Ibn al-Madini au sujet de ce verset, qu'est-ce qu'il signifie, et qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Ibn al-Madini? Il a dit lis qu'est-ce qui vient avant. Il a dit lis ce qui vient avant, et quand tu lis qu'est-ce qui est écrit avant, c'est écrit alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Hein, ne vois-tu pas que Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? C'est-à-dire que le verset en question parle de la connaissance infinie d'Allah qui enveloppe toute chose. Et donc c'est le verset 7 dans Surat al-Mujadala. Regarde le verset au complet. Qu'est-ce qui vient avant cette parole, qu'il n'y a pas de parole qui ou conversation secrète entre trois personnes sans qu'il soit le quatrième? Et ni entre cinq sans qu'il soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ça c'est le verset. eux, les soufis, utilisent ce verset-là pour dire, ça c'est la preuve que Allah est avec nous là où on se trouve, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est physiquement dans toutes choses. Et donc l'imam Abdullah ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, il répond. Il dit, lis ce qui est avant. Et aussi ce qui est après. Parce que si tu lis ce qui est après, tu vois, là, ça rentre dans le sujet de la science d'Allah, de la connaissance d'Allah. Donc il dit avant, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min thalika, wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Donc c'est un rapport avec la science d'Allah qui englobe toutes choses et qui enveloppe tout. C'est-à-dire, ne vois-tu pas que Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il soit leur sixième, ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent, par sa science. Par sa science. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est alim. Bikulli shay'in alim. Il a la science à propos de tout. Il connaît toutes choses. C'est ça qui est dit dans le verset. Donc, ça c'est la réponse qu'il a donnée à ce sujet. Exactement. Puis c'est comme si, par exemple, comme tu dis, allez, partez, attaquez, je suis avec vous. Ou bien des fois, tu vas dire, bon, moi je suis avec l'imam Ahmed sur cette position-là. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que tu es physiquement avec l'imam Ahmed? Non. Mais le terme avec, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es mélangé avec une chose ou avec quelqu'un. Donc, à propos de Ali ibn al-Madini, c'est un grand imam. Qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet ici? Ibn al-Madini wa huwa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far. Ça, c'est son nom. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, maulahum al-Basri al-Ma'aruf ibn al-Madini. Abu al-Hassan. Sa kunya, c'est Abu al-Hassan et c'est Ibn al-Madini. L'imam al-Dahabi, il a dit à son sujet, الإمام الشيخ الحجة أمير المؤمنين في الحديث. الإمام الذهبي il dit à son sujet que c'est l'imam, le sheikh, la preuve, الحجة. Et il était le prince des croyants dans la science du hadith. C'est-à-dire أمير المؤمنين في الحديث. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Bukhari à son sujet? ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. C'est-à-dire l'imam al-Bukhari a dit, je ne me suis pas senti petit ou je ne me suis pas fait petit devant quelqu'un excepté devant Ali ibn al-Madini. Donc si l'imam al-Bukhari dit ça de quelqu'un, ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui est fort dans la science, parce qu'on connaît tous la science et la piété et la grandeur de l'imam al-Bukhari, un des plus grands imams du hadith. Mais lui, l'imam al-Bukhari, il dit devant Ali ibn al-Madini, je me suis fait petit, parce qu'il était tellement grand dans sa science. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est mort en quelle année? Il est mort en 234 de la Hijra. Il a de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, Al-Asma wal-Kuna. Et un autre livre qui s'appelle Al-Du'afa. Et un autre livre qui s'appelle Al-Tabaqat. Et un autre livre qui s'appelle Al-Mudallisun. Et un autre livre qui s'appelait Al-Thiqat. Et un autre livre à propos de l'histoire, Al-Tarikh. Il a beaucoup, beaucoup d'autres livres. Mais il n'en reste pas beaucoup qui ont été préservés. Il y en a 4 ou 5 seulement, comme ça a été rapporté par l'imam al-Khatib al-Baghdadi à son sujet. Donc c'est pas n'importe qui parle de ce sujet-là, c'est des grands imams qui mentionnent la parole de la position des salafs, et il fait partie lui-même des imams des salafs et il affirme les attributs d'Allah. Donc ça réfute tous ceux qui viennent par la suite puis essayer de dire qu'eux ils n'affirment pas les attributs d'Allah. L'imam Ibn al-Madini, Ali Ibn al-Madini, il est mort en l'an 234. Et ceux que les Asha'ira prétendent suivre aujourd'hui, Abul Hassan al-Ash'ari, il est né en quelle année? Abul Hassan, est-ce que vous savez? Il est né en l'an 260. Donc, ça veut dire que l'imam Ali ibn al-Madini et tous les autres imams des quatre madahib et les autres avant, l'imam Ahmad et les autres, sont tous morts avant la naissance même de Abul Hassan al-Ash'ari. Et on sait que Abul Hassan al-Ash'ari, il est resté dans la secte des Mu'tazila pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il n'était pas, il n'a pas quitté la secte des Mu'tazila avant l'an 300 de la Hijra. Donc 300 ans après la mort du prophète, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas encore sur la sunna. Il n'a pas encore connu la réalité de la sunna. Donc comment tu peux prétendre dire que c'était lui l'imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et que c'est lui qui représente les gens de la sunna, alors que tous les imams avant lui qui étaient sur la sunna et qui ont défendu la aqidah des salafs, ils sont tous morts avant lui. Et ils ne l'ont jamais connu. Et après tu dis que tu es Maliki, ou Hanafi, ou Shafi'i, puis que tu es Ash'ari dans ta Aqida. Ça ne fait pas de sens. Hein? L'imam al-Ash'ari, il est né après la mort de tous ses imams. Comment? Tu comprends? Comment l'imam Malik pouvait être Ash'ari alors qu'il est mort deux siècles avant la naissance de celui qui a fondé cette aqida ou à qui cette aqida est attribuée? Donc ça c'est un exemple de l'absurdité de la position de ces gens-là. Ahlul jama'a al-muradu bihim ahlus sunnati wal jama'a. On l'a dit. Et il dit, donc comme on a dit par exemple la question tout à l'heure, on a mentionné la question à propos de la vue du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on passe à une autre citation. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. Ok. Juste avant de passer à une autre citation, on a déjà passé la citation précédente, qui était celle de Yahya ibn Mu'adh al-Razi. Cheikh Salih al-Sheikh, il mentionne quelques commentaires à ce sujet. Donc je vais lire l'explication et la parole de Cheikh Salih al-Sheikh. Je voulais le mentionner avant, mais j'ai oublié. Il explique lorsqu'il dit Yamzujullah bi khalqihi. ويخلط به أو يخلط منه الذات بالأقدار والأمتان يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله في مكة في هذه السنة في رمضان كنت ذاهبا إلى الحرم ورأيت ثلاثة يتكلمون ويتناقشون في مسألة العلو والاستواء وحدث بينهم خلاف في هذا الأمر وقال أحدهم كيف يقول أن الله استوى على عرشه استوى على عرشه يعني في كل مكان أنا سمعتها من الدكتور عبد الحليم محمود وحدث بينهم خلاف في هذه المسألة. Donc il dit que l'imam يرحمك الله Yahya ibn Mu'adh al-Razi, il a dit ils veulent mélanger Allah à sa création et le mélanger avec les saletés et les choses qui sentent mauvaises. Donc, ils veulent dire par là que Allah est partout et en toutes choses. Wal'iyadhu billah. Donc, le Cheikh Salih al-Sheikh, il dit, j'étais à Mecca cette année, dans le mois de Ramadan. Il dit, je m'en allais au haram. Je marchais vers le haram, vers la mosquée sacrée. Et il dit, j'ai vu trois personnes qui partaient, qui parlaient et qui discutaient entre eux à propos de la question du fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Et il y avait une divergence entre eux à ce sujet. Alors, un d'entre eux disait, comment est-il possible que Allah dise qu'il est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il est dans toutes choses. Il dit, pour eux, quand il entend qu'Allah est au-dessus de son trône, il pense que ça veut dire qu'Allah est dans toutes choses. Il dit, j'ai entendu cela du docteur Abdul Halim Mahmoud. Et là, il y avait une divergence entre eux à ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens comme ça, des fois tu les entends discuter comme ça. Moi je me rappelle une fois à Montréal, j'ai rencontré un jeune Guinéen qui allait à l'université de Montréal. Et c'était un jeune soufi. Il allait à la mosquée des Naqshbandi à Montréal. Et là j'avais une discussion avec lui, puis là il me disait, oui moi des fois je vais prier à l'église, il n'y a pas de problème. Puis là il me dit... Je sais pas quoi, mais on est rentré dans la discussion à propos de l'aqida, puis là on est rentré à propos du fait que Allah est au-dessus de son trône. Lui, il croyait que Allah est dans toutes choses et partout. Et là, je lui dis, est-ce que tu dis qu'Allah est dans les ports et dans les endroits sales, dans les toilettes et des choses comme ça? Et là, il m'a regardé, il savait plus quoi dire. Tu vois? Et c'est pour dire que c'est des gens, ils sont même prêts à dire ça parfois. Et donc c'est pour montrer comment ils sont graves. Ils n'ont pas de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc personne n'a le droit de dire ça, que Allah est dans les endroits sales, dans les endroits impurs, dans les toilettes, dans les porcs, dans les cochons, dans les porcheries, qui oserait dire ce genre de choses excepté un kafir, quelqu'un qui n'a aucune foi, aucun respect envers Allah. Donc ça c'est grave de dire des choses pareilles. Et donc c'est pour dire que malgré tout il y en a des gens qui pensent comme ça et qui osent même le dire, Allah musta'an. Donc il dit donc après il dit ash-shahid min hadha anna idlal an-nas waqa'a fi hadhihi al-masa'il bi aqwal al-ulama ad-dullal aw al-ulama al-mukhalifin. Donc le témoin qu'on veut citer de ça, ou le point qu'on veut mentionner par rapport à cet exemple, qu'ils ont dit qu'ils ont entendu ça de Abdul Halim Mahmoud, c'est pour dire que quand les gens qui se sont fait égarer dans ces questions-là sont souvent égarés à cause des savants de l'égarement, à cause des savants qui sont eux-mêmes égarés. Et ils disent ce genre de paroles aux gens, et les gens s'égarent à cause de ça. Et donc c'est pour ça souvent que les gens s'égarent, parce qu'ils entendent de ces savants d'égarement des paroles qui contredisent les textes du Coran et de la Sunna. Comment tu peux dire que le fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il est partout? Ça fait même pas de sens. Et donc il dit ensuite, وَلِهَذَا بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ أَشَاعِرَةً وَهَذَا غَلَطٌ بَاطِلٌ بَلْ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ عَلَى السُنَّةِ فِي الصِّفَاتِ إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة هنا ينتقلون أما فطرتهم وما عليه يسمع الرحمن على العرش استوى ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل إلا بالتعليم إنما يأتي في ذهنه التسليم الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى فيأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. Donc il dit, il y a des gens qui disent que la majorité des musulmans sur la terre sont des Asha'ira. Il dit ça c'est faux, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la plupart de la Ummah sont sur la Sunna par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté si un innovateur vient leur enseigner une croyance qui est contraire à la vérité. Et là, à ce moment-là, ils quittent la croyance de la Sunna vers la Bid'a. Parce que auparavant, ils étaient sur leur fitra. Et la fitra, c'est que lorsque le musulman entend Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, le très miséricordieux s'est élevé sur le trône, il affirme automatiquement la vérité. Excepté si quelqu'un est venu lui enseigner une signification fausse à ce sujet, et donc, à cause de ça, il s'est écarté de la vraie signification de qu'est-ce que signifie ce verset. Je me rappelle au début, quand j'étais converti, il y avait au début, quand on devient musulman, il y a toujours la question, surtout si on était chrétien auparavant, toujours la question de vouloir montrer les égarements et la fausseté du christianisme. puisque auparavant, par exemple, on était chrétien, donc on veut montrer les égarements et les faussetés du christianisme. Bon, certains parmi les frères que j'avais connus à l'époque, ils m'avaient amené une photocopie d'un livre qui s'appelait l'Évangile de Barnabé. Ok? Et ça c'est très bon, c'est une des évangiles qui a été rejetée par l'Église, mais dedans il y a la confirmation de l'islam et l'affirmation de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai dit bon ok, je vais voir, je vais lire ça. C'est un des livres apocryphes que l'Église a déclaré apocryphe comme étant, c'est-à-dire pour eux c'est pas un livre qui fait partie des livres qui sont authentiques ou inspirés pour eux. Donc ils ne le reconnaissent pas. Mais dedans, il y a des choses qui se rapprochent beaucoup plus de l'islam que par rapport aux autres évangiles. Hein? Les quatre évangiles qui sont dans la Bible des chrétiens aujourd'hui. Sauf que quand j'ai commencé à le lire, j'ai vu qu'il y a des choses complètement opposées à la aqida des salafs dedans et contraires au Coran et à la Sunna de façon explicite. Et qui contredit même les enseignements qui sont dans les évangiles et dans l'Ancien Testament aussi. Comme par exemple, l'idée qu'il mentionnait que dans l'évangile de Barnabé, c'était écrit « Dieu est dans toutes choses et partout, et il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Allah, il y a ni Dieu dedans » ou des choses comme ça. Donc, quand j'ai lu ça, et un autre de mes amis l'avait lu aussi, parmi les frères qui étaient convertis, et il a dit, j'ai lu ça dedans, puis vraiment, je suis comme un petit peu confus par rapport à cette parole-là, parce que dans le Coran, j'ai lu que c'est écrit que Allah est au-dessus de son trône. Donc comment est-ce que ça pourrait être vrai, hein? Et tout de suite, j'ai vu qu'entre ce qui était écrit dans l'évangile de Barnabé et ce qui était écrit dans le Coran, il y avait une contradiction. Hein? Mais étant donné que bon, au début de l'islam, tu te convertis, tu es nouveau, tu n'as pas encore une connaissance approfondie de la aqidah et du manhaj et de la aqidah des salafs. Hein? Surtout que la majorité des musulmans qui sont, par exemple, ici, la plupart, ils ne connaissent pas la aqidah des salafs. Ils n'ont pas été éduqués sur la aqidah des salafs. Donc, ils n'ont pas un attachement très fort à ça et au livre des salafs. Donc, c'est par la lecture du Coran que quand tu as la fitra, tu lis ça puis tu dis il y a un problème, c'est en contradiction. Puis après j'ai été dans un séminaire une fois, une conférence, puis j'ai trouvé des cours, j'ai entendu des cours sur justement l'affirmation du fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et la réfutation des gens de Hulul et des gens de Wahdatul Wujud qui prétendent que Allah est en toutes choses. Et c'est là que j'ai eu la confirmation et la réponse claire à propos de cette question, et que j'ai su avec certitude que ce qui avait été écrit dans les livres comme l'Évangile de Barnabé, c'était totalement faux. Hein, et que ça égare même beaucoup de gens. Donc quelqu'un par exemple qui se convertit maintenant, il va lire l'évangile de Barnabé, ou bien on va lui conseiller de lire l'évangile de Barnabé, il va penser, parce qu'on lui dit souvent, ah mais ça c'est un livre, c'est un évangile qui est vrai, c'est correct, qu'est-ce qui est dedans, ça affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est un messager, ok d'accord, ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dedans est vrai. Donc il ne faut pas prendre de ce livre-là, puisque tu ne peux pas distinguer ce qui est vrai et faux si tu n'as pas de science. Donc, de conseiller à des convertis de lire l'évangile de Barnabé, c'est une erreur. Hein? Et donc, ça c'est juste en passant pour faire comprendre qu'il faut faire attention. Mais en même temps aussi, la réfutation de ceux qui prétendent que les Asha'ira sont la majorité des musulmans, puisque n'importe quel musulman, même s'il n'a pas étudié la aqida ou qu'il n'y a pas d'études islamiques, tu lui lis le verset Ar-Rahman ou Al-Arshistawa et il comprend qu'est-ce que ça signifie. Et que Allah est au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. À moins qu'il ait été affecté ou infecté par la fausse croyance des Ahbash ou des Asha'ira ou des Maturidiyya ou des Jahmiyya ou des Mu'tazila, là il commence à philosopher. Et c'est comme le frère qui est venu la semaine passée. Il m'a dit, j'étais en train de discuter avec des Ahbash, et j'ai parlé avec des Ahbash, ça c'est déjà en partant, c'est une grave erreur, parce que personne ne devrait discuter avec des gens de bid'ah et argumenter avec eux ou débattre avec des gens de bid'ah en partant, parce qu'ils vont te jeter des choubouhat, et surtout si tu n'es pas assez ferme dans ta aqida, tu vas te faire avoir facilement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit, Allah existe sans endroit. Et il existait avant l'existence des endroits. Hein? Donc, et il est aujourd'hui tel qu'il était avant d'avoir créé les endroits ou l'endroit. Tu comprends? Donc, ils prétendent que si tu as... Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire que tu ne dois pas affirmer que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, parce que pour eux, ça veut dire que ils prétendent que tu es en train d'affirmer que Allah est dans un lieu ou dans un endroit. Tu comprends? Et l'imam Ahmad, il a répondu, je lui ai dit au frère, l'imam Ahmad, il a répondu à cette shubha des Jahmiyyah, et il les a détruits complètement. Et après cette réponse de l'imam Ahmad, il n'y a pas un Ahbash, il n'y a pas un Ash'ari ou Maturidi ou Jahmi ou Mu'tazili qui peut argumenter encore avec toi. Il m'a dit, c'est quoi cette réponse de l'imam Ahmad? J'ai dit, l'imam Ahmad, il a dit, quand Allah n'avait rien créé, au moment où Allah n'avait rien créé, il n'y avait que Allah qui existait. Puis Allah a créé la création, ok? Ou bien, si tu veux, il a créé l'endroit. Hein, comme eux, ils prétendent qu'il a créé un endroit. Bon, utilisons le terme qu'eux, ils utilisent juste pour l'argument. C'est quand il a créé cette création ou cet endroit, il l'a créé où? Parce qu'eux, ils refusent que tu demandes où est Allah. Alors qu'on sait que dans le hadith de l'esclave, le prophète s'en a dit « Où est Allah ?» Et elle a dit « Fis sama. » Hein? Elle a dit « Il est dans les cieux. » C'est-à-dire au-dessus de sa création. Et il a dit « Et qui suis-je ?» Elle a dit « Tu es le messager d'Allah. » Il a dit « Libère-la, c'est une croyante. » Eux, ils rejettent ce hadith. Okay? Alors qu'il est dans Sahih Muslim, il est authentique. Ils le renient parce qu'ils suivent leur passion. Maintenant, ils refusent que tu demandes « Où est Allah ?» Mais maintenant, tu leur demandes « Où Allah a-t-il créé la création ?» Tu ne demandes pas où il est Allah, tu demandes où est-ce que Allah a créé sa création. Est-ce qu'il l'a créé en lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Tu as deux choix. Si tu dis qu'Allah a créé la création en lui-même, ça veut dire que tu es un mushrik kafir. Tu crois en la aqida des hululiya et des gens de wahdatul wujud, parce que tu mélanges Allah avec sa création et tu dis qu'il y a quelque chose de créé à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est kufr. Ou bien tu dis qu'il a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et ça, c'est la aqida d'Ahlus Sunnah al-Jama'ah. C'est la vérité. Puisque Allah est au-dessus de sa création. Hein, et il enveloppe toute la création dans sa main droite. Au jour de la résurrection, il va fermer les cieux et la terre. Et il va en faire une poignée. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc c'est pour dire, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et la terre entière, il va en faire une poignée. Et il va plier les cieux hein, dans sa main droite au jour de la résurrection. Hein, au jour de la résurrection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe toute chose. Et quand il a créé la création, il a créé à l'extérieur de lui-même et non pas en lui-même. Donc maintenant, il reste confus et dans l'égarement. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à cette réponse de cet imam qui était l'imam d'Ahlus Sunnah. L'imam d'Ahlus Sunnah. Donc là, avec cette réponse, il les a détruits complètement. Parce que eux, dans leur livre, quand tu regardes par exemple comme Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il dit « La aqida sanousiya » Il dit, c'est écrit dedans qu'ils enseignent aux enfants cette aqida as-sanousiya, qui est une aqida des Asha'ira. Ils disent Allah n'est pas, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en avant, ni en arrière, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni en haut, ni en bas, ni hein. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? Les ulama, ils ont dit, si tu veux décrire le néant. Tu ne peux pas trouver une description meilleure que cette description-là. C'est-à-dire, il n'est pas dans sa, mélangé à sa création, il n'est pas séparé de sa création, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Donc, il n'existe pas. Hein? Tu peux pas décrire Allah par ces caractéristiques-là, puisque ça, c'est les caractéristiques du néant. Qu'est-ce qui n'existe pas, qui est nulle part. Et ça, c'est les deux positions chez les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah. Il y a ceux qui disent que Allah est partout, et ceux qui disent que Allah est nulle part. Et les deux s'équivalent en réalité. Puisque si tu dis qu'il est partout, eh bien, ça veut dire qu'il n'existe plus, puisqu'il n'a pas d'existence distincte de sa création. Il n'y a pas de distinction entre lui et sa créature, donc ça veut dire qu'il n'existe pas réellement. Et si tu dis qu'il est nulle part, ben c'est la même chose. Tu dis qu'il n'existe pas aussi. C'est la négation même de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le résultat du kufr et du shirk des athées. C'est de là que vient l'athéisme. Dame nature. Quand ils disent dame nature, c'est juste un moyen pour essayer justement de détourner la réalité, parce que ils veulent pas, à cause de leur orgueil et de leur arrogance, ils refusent d'affirmer l'existence d'Allah, parce qu'ils savent que d'affirmer l'existence d'Allah, ça implique de leur part la soumission et l'obéissance aux règles et aux lois que Allah a révélées à ses messagers. Donc ils préfèrent inventer quelque chose d'imaginaire qu'ils appellent dame nature, et ils prétendent que ça c'est plus scientifique, hein, alors qu'on sait très bien que dame nature ça veut rien dire. Donc ça c'est un exemple. Et Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a expliqué dans son charh de Al-Wasitiyya et aussi de charh de Al-Hamawiyya, que en réalité le dieu des Jahmiyya et des Asha'ira, il existe uniquement dans leur tête, dans leur imagination. Mais dans la réalité, ils n'affirment pas un Dieu qui existe réellement, en dehors de leur imagination, en dehors de leur tête. Tu comprends? Donc, c'est un Dieu abstrait qu'ils se sont inventé dans leur esprit, qui n'existe pas réellement. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'ils le décrivent par le néant, et par d'autres termes qui ne sont pas les termes que Allah a employés lui-même pour se décrire dans sa révélation. Donc, les fausses définitions et les fausses compréhensions qui ont rapport avec la croyance de ces gens de Bid'a, en fait, ça vient de l'enseignement qu'ils ont reçu des gens de Bid'a. En même temps, aussi, une autre réponse qu'on peut donner à ceux qui prétendent que les Asha'ira sont la majorité des musulmans, c'est le fait que, si tu retournes à l'époque des Sahaba, les Asha'ira n'existaient même pas. Et à l'époque des Tabi'in, la même chose. Donc, pour dire que quand on regarde la Jama'a, quand on parle de la Jama'a, on parle de ces deux, de ces trois premières générations qui étaient justement la majorité à cette époque-là, qui étaient sur la Aqida, yani des Sahaba, hein, et yani, qu'est-ce qui a été ramené par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit au début. Il a dit, votre aqida que vous enseignez maintenant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissait ou il ne la connaissait pas, cette aqida? La aqida ash'ariya, la aqida des gens de Kalam, la aqida des Jahmiyyah et des Mu'tazila, qui disent que la parole d'Allah est créée, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas réellement. Cette aqida, est-ce que c'est l'aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ou est-ce qu'il ne la connaissait pas, hein? Et là, ils vont dire, non, ils ne la connaissaient pas. Alors, tu leur dis, ben, dans ce cas-là, s'ils ne la connaissaient pas, donc vous prétendez, dans ce cas-là, que vous savez mieux que les sahaba et mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, ils disent, non, ils la connaissaient. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils se sont, tiré une balle dans le pied, là. Alors là, ils disent, oh, oui, ils la connaissaient. Donc, ils disent, ok. Ils la connaissaient? Oui, ils la connaissaient. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils l'ont enseigné aux gens, cette aqida? Si vous dites qu'ils la connaissaient, est-ce qu'ils l'ont enseigné aux gens? Et là, ils disent, non, ils ne l'ont pas enseigné aux gens. Alors dans ce cas-là, vous, dans ce cas-là, pourquoi vous l'enseignez si eux ils se sont tus? Pourquoi vous ne vous taisez pas? Et là ils se sont pris, tu vois. Et ça c'est un des exemples que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les salafs ont mentionné pour les réfuter, ces gens-là. Non, non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Après, le cheikh, il dit, وَلِهَذَا نَقُولُ أَكْثَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الصِّفَاتِ عَلَى الْفِطْرَةِ يعني على التسليم إِلَّا إِذَا أَتَّاهُمْ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ الْعَقِيدَةُ الْأَشْعَرِيَّةِ أَوْ يُقَرِّرُ لَهُمْ الْعَقِيدَةَ الْمَاتُرِيدِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَخْرُجُونَ عَنْ ذَلِكَ وَتُقِرُّ فِي أَذْهَانِهِمْ الْأَقْوَالَ الْمُبْتَدَعَةِ لأن العامي ما يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة. Donc il dit c'est la majorité des musulmans sont sur la fitra au sujet des attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'ils se soumettent à qu'est-ce qui est dans les textes. Excepté si quelqu'un vient leur enseigner la aqidah ash'ariya ou leur enseigne la aqidah des maturidiyah, eh bien là à ce moment-là ils sortent de la fitra et ils apprennent les paroles des gens de bid'ah, ça reste dans leur esprit. Parce que le musulman du commun, le commun du musulman, ne connaît pas comment déformer le sens des textes du Coran et de la Sunna et d'essayer d'interpréter ça allégoriquement ou de nier les réalités de ce qui est dans les textes. Ça, ce n'est pas l'attitude du musulman ordinaire hein, qui lit le Coran. Mais ça, c'est uniquement à cause des savants de l'égarement qui ont égaré la Ummah. Il dit « وَهَذَا مِنَ الْمَصَائِبَ الْكَبِيرَةِ يَأْتِي مَنْ يَحْتَجُ بِقَوْلِ عَالِمٍ هَذَا كَيْفَ تُقْنِعْهُ لذلك مثلا شاب أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير يقول أنا سمعت من العلم الفلاني الذي فيه كذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا كيف تناقض هذا القول؟ أنت أفهم من فلان، أنت أعلم من فلان، فيذهب في القول في المسألة بالترجيح بقول الرجال بقول العلماء وهذا قال كذا وكذا ولكن انظر إلى النصوص فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل لأن الحكم على القائل يصرف الذهن ويصرف قلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقدوح فيه تقول العالم العالم هذا كذا وكذا فيه كذا وكذا وكذا ينصرف عن أصل المسألة وتأخذه الحمية للدفاع عنه ويعظم عن من يعظمهم يحدث الفرقة من جنس ما يحدث الخروج على الإمام عن الإمام. Bon, ici le cheikh il explique quelque chose qui est très important. Il dit que parfois tu vois un jeune si quelqu'un, par exemple, il a été affecté par un égaré, un cheikh qui est égaré, et lui, il a pris ses paroles de ce savant, il s'est égaré à cause de ça. Parce qu'il y a des savants qui ont fait des erreurs dans les questions d'Aqidah parfois, dans le passé. Des livres, par exemple, tu vas lire des livres de l'imam Suyuti ou d'autres, par exemple, qui ont eu des problèmes dans Al-Asma al-Sifat ou des choses comme ça. Donc eux ils vont aller dans ces livres-là puis ils vont dire ah ben regarde un tel savant il a dit ça, et c'est souvent l'attitude des gens de bid'ah comme les Ahbash et d'autres. Ils vont chercher dans les livres de certains savants qui ont eu des erreurs dans les noms et les attributs d'Allah, et ils vont ramener leurs paroles comme étant des références ou des preuves pour essayer de justifier leur fausse aqida. Et donc eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attacher la critique à l'individu, au lieu de retourner au texte et aux preuves du Coran et de la Sunna pour confirmer la question et la base de la croyance. Donc, il va dire, un tel savant a dit telle et telle chose, est-ce que tu es plus savant que lui? Tu vois, ils vont dire, bon, par exemple, l'imam Suyuti, il a dit telle ou telle chose, alors que c'est une erreur. Alors, lui il ne voit pas que c'est une erreur, il voit que c'est un grand savant, il a dit ça, donc pour lui c'est vrai, tu vois. Donc l'imam Suyuti a dit ça, toi t'es qui pour dire ça, tu vois, alors qu'on sait très bien que l'imam Assouyouti peut se tromper. Et que c'est un être humain. Et que c'est pas parce que l'imam Assouyouti a dit quelque chose que c'est nécessairement la vérité. Mais les gens de Bid'a en général, surtout les Asha'ira et tout ça, leur religion s'est basée sur le taqlid. C'est-à-dire sur le fait de suivre aveuglément le shaykh. Ahnaf, et pas juste les Ahnaf, même chez les Malikiyya, les Shafi'iyya, les autres aussi. C'est-à-dire de suivre aveuglément qu'est-ce que l'imam a dit, même si c'est une erreur, tu dois le suivre, tu ne peux pas contredire ton cheikh ou ton imam. Alors ils vont dire, ce cheikh-là il l'a dit, donc moi je le suis. Et donc toi tu vas arriver, tu vas essayer de lui prouver que lui, il est dans l'erreur. Et tu vas peut-être même parfois essayer d'attaquer cette personne ou ce cheikh en disant qu'il était égaré ou des choses comme ça. À cause de ça, lui, il réagit en voulant le défendre. Et il commence à devenir comme à le défendre fanatiquement. Tu vois, commence à dire « Ah, comment tu peux dire ça de ce cheikh, t'as pas de respect pour les ulama, nanana. » Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es détourné de la question, du sujet réel, qui est le fait d'affirmer les attributs d'Allah et d'affirmer ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et c'est devenu maintenant un débat pour défendre ou critiquer tel ou tel individu qui s'est trompé dans la question. Et donc, c'est ça ce que le cheikh dit ici, ça c'est quelque chose qui est grave, qu'on ne devrait pas rentrer dans ce genre d'erreur quand on est en train d'essayer de débattre ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Il dit walihada tara shaykh al-islam lamma kataba al-wasiyah al-kubra 'azzama 'Ali ibn Musafir wa bayyana annahu kadha wa maqamuhu fi as-sunnah wa lamma ata yatakallamu sharaha kalimat fi nusus al-ghayb 'azzama 'Abd al-Qadir al-Jilani wa ma qadaha fihi bi shay' لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم في رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق فهذا أصل في أنك عند نقاش المخالف لا يستجيرك الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص لأنه يصد عن قبول الحق ويصبح هناك تعصب هو يتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة والمقصود ليس الكلام في العلماء العلماء أدوات لنقل الشريعة فإن نقلوها على الصواب فذاك من كرامة الله لهم وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بزلته ولا يقدح فيه بزلته إلا إذا احتاج إلى ذلك في مقامات أما في النقاش تنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم لا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب المتحدث معه حاجز عن قبول الحق الذي تأتي به لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاص فإذا قدحت فيه ولو كان كلامه حقا لكن يعني يؤخر بعض الحق لمصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit, on voit que Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Wasiyat al-Kubra, il a parlé en bien, il a montré du respect envers Adi ibn Musafir. Il a mentionné sa position dans la Sunna. Et lorsqu'il est venu à parler des paroles au sujet des textes, au sujet du raïd, il a glorifié Abdul Qadir al-Jilani. Il n'a pas rien dit pour le critiquer à ce moment-là. Parce qu'il fait partie des imams des Turcs Soufiyas. Il a dit, ceux-là, il y a en eux certains problèmes. Il a mentionné les questions qu'ils ont et il a mentionné les textes de leurs paroles au sujet de qu'ils sont revenus à la sunna à la fin de leur vie et comment ils aimaient la sunna et comment ils aimaient les gens de la vérité. Il a dit, et ça c'est un fondement lorsque tu débats avec quelqu'un qui est en contradiction avec la sunna, c'est que tu dois pas rentrer dans la divergence avec la personne à qui tu es en train de discuter, de commencer à attaquer la personne qu'il défend lui. Parce que ça, ça va te bloquer, ça va le bloquer d'accepter la vérité, il va commencer à vouloir le défendre fanatiquement. Et il va s'attacher fanatiquement à la personne, et ça, ça va l'empêcher d'accepter la vérité au sujet de la question elle-même. Donc, le but, c'est que il ne faut pas parler au sujet des ulama dans, à ce moment-là. Les ulama sont des outils pour transmettre les paroles de la, pour transmettre la charia. S'ils l'ont transmis correctement, ça c'est un honneur que Allah leur fait. Et s'ils l'ont transmis incorrectement, on ne doit pas le suivre ce savant dans son erreur. Et on ne doit pas non plus l'attaquer ou le critiquer à cause de cette erreur-là, excepté si on a besoin de le faire dans certains cas ou dans certains moments. En ce qui concerne la discussion, quand tu veux débattre ou discuter avec quelqu'un pour le ramener à la vérité, il dit, alors dans ce cas-là, tu dois confirmer la vérité et tu dois être patient et endurer la personne, peu importe comment il essaie de glorifier le savant auquel il se réfère, ne commence pas à l'attaquer à ce moment-là. Parce que sinon, la personne à qui tu es en train de parler, elle va avoir un genre de barrière dans son cœur d'accepter la vérité parce que tu es en train de critiquer la personne qu'elle respecte. C'est comme si tu vas voir un cheikh soufi, ou un soufi, non, plutôt un soufi, un individu parmi les soufis. Puis tu commences à le critiquer directement son cheikh, puis à l'insulter devant lui. Si tu fais ça, est-ce que tu penses qu'il va vouloir t'écouter? Non, il ne va rien écouter de toi. Au contraire, il va commencer à vouloir défendre son cheikh dans le faux, et commencer à devenir énervé, puis peut-être même que ça va devenir une bagarre. Et tu vas rien prouver, tu vas rien faire, ça va rien faire pour le ramener plus près de la vérité. Tandis que si tu te concentres sur les textes et les preuves et d'établir les paroles des ulama, dans ce cas-là, tu vas être capable de lui faire accepter la vérité et c'est ça ton but. Même Cheikh Rabi', hafizahullah, il a mentionné cet exemple lorsqu'il est parti au Soudan et qu'il est rentré même dans les mosquées des soufis. Hein, et il a dit, je ne leur ai pas cité Ibn Taymiyyah, je ne leur ai pas cité des savants salafiyins que eux ils n'acceptent pas. Je leur ai donné de ceux qui eux ils connaissent, des savants qui ont défendu la sunna ou qui ont montré la vérité parmi les savants que eux ils vont accepter de lui, comme Ibn Kathir ou des savants que eux ils respectent. Ibn Kathir c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. Tu vois? Donc eux, ils connaissent, ils acceptent pas d'Ibn Taymiyyah, mais si tu leur cites d'Ibn Kathir, ils acceptent d'Ibn Kathir. Ibn Kathir est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Donc tu leur cites d'Ibn Kathir. Hein? Et le résultat, c'est le même. Et donc il a dit, tu vas pas rentrer dans leur... Un cheikh rabbi n'est pas rentré dans leur mosquée puis commencer à insulter leurs chouyour et à leur dire des paroles qui vont les offenser devant leur visage. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de les rapprocher de la vérité, de leur faire accepter la vérité. Donc, c'est ça ce qu'il explique, le cheikh. Il dit, parce que les âmes des hommes, elle a été créée de sorte qu'elle veut toujours vénérer les hommes et les individus et les personnes, toujours respecter les personnes et les hommes. Si tu les attaques, même si la parole que tu dis est vraie contre eux, hein, mais à cause de cette attaque ou de cette critique, même si elle est vraie, la personne ne va pas vouloir accepter la vérité. Alors il dit, dans ce cas-là, tu peux retarder certaines vérités dans le but d'obtenir un bienfait qui est plus important, qui est plus grand. Et la clarification de la vérité, tu la retardes jusqu'à ce que la vérité soit acceptée elle-même et puis que la personne soit, disons, d'accord avec toi, il accepte la vérité et à ce moment-là, par la suite, là tu lui expliques la vérité. Tu pourras lui expliquer la réalité de cette personne ou de cet égaré ou de cet individu. Parce que si la personne en question à qui tu es en train de parler, elle aime vraiment la vérité, quand il va voir la vérité, et qu'il va mettre ça dans la balance, et il va mettre la parole de son cheikh dans la balance, il va être obligé d'admettre que c'est la vérité qui pèse plus lourd, et qu'il est obligé de l'accepter et de le suivre, s'il est sincère. Et donc il dit وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَمِلَهُ عُلَمَاءُ الْمِلَّةِ وَأَئِمَّةُ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا نَظَرْتَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فَإِنَّهُ مَا تَكَلَّمَ فِي الْأَئِمَّةِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ الْمُخَالَفَاتِ مِثْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَلْ جَعَلَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ كَمَا فِي كِتَابِ رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ وَأَتَى مَنْ أَتَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فِيهِ وَفِيهِ وَقَدَحُوا وَهَكَذَا وأئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات وما قدحوا في ابن قدامة ولا في النووي مع أنهما أوردا بعض القصص التي استدل بها المبتدعة وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفسرين وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. Donc il dit, c'est ça ce que les ulama de la religion et les imams pieux ont fait. Lorsque tu regardes Ibn Taymiyyah, quand il parle des imams, il ne mentionne rien contre eux. Il ne mentionne pas toutes les contradictions qu'ils ont. Et même Abu Hanifa, quand il parle de Abu Hanifa, il le mentionne comme étant un des grands imams, comme il l'a fait dans son livre Raf'ul Malam an al-A'immati al-A'lam, de enlever le blâme au sujet des grands imams. Malgré que certains sont venus parmi les ulama, ils ont mentionné Abu Hanifa, il a tel problème, il avait tel problème, et ils l'ont critiqué. Donc il dit, les imams de la da'wa dans le Najd, après le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ceux qui ont propagé la da'wa salafia et le tawhid en Arabie, ils n'ont pas critiqué les imams chez qui il y avait des contradictions à la sunna, comme Ibn Qudama par exemple. Ils n'ont pas critiqué Ibn Qudama, ils n'ont pas critiqué l'imam al-Nawawi, qui ont mentionné parfois certaines histoires que les mubtadi' utilisent comme preuve parfois. Ils n'ont pas non plus critiqué Ibn Hajar Al-Asqalani, parfois Ibn Hajar, il fait le ta'wil de certains attributs. Et aussi Al-Nawawi, la même chose. Mais ils n'ont pas critiqué ces imams-là. Parce que ils ont profité de leurs livres de hadith et leurs livres de tafsir. Et ils ont transmis la vérité qu'ils ont mentionnée. Et ils ont laissé ce genre de choses. Et ils n'ont pas critiqué. Ils les ont pas critiqués. وإذا احتاجوا للتبيين في موضع وأتى نقل مثل هذا نقل للنووي فيه تأويل وقال مثلا النووي رحمه الله كان يتأول الصفات وكان كذا وينهج منهج كذا وهذا من الغلط ففرق بين الرد في المقالات الباطلة وبين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع أتباع المعظمين فإنه لا يسوغ الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجب عن قبول الحق إلا إذا احتاج إليه في موضعه ولكل مقام مقال وصرف عنه نعم. Donc il dit ici que si on a besoin de clarifier dans certains contextes, on a besoin d'expliquer l'égarement ou la fausseté qui est dans les paroles de certains de ces savants-là, comme l'imam al-Nawawi par exemple, il a fait le ta'wil des attributs d'Allah dans son sharh de Sahih Muslim. Il y a du ta'wil, il y a les paroles des Asha'ira dans son sharh. Donc, les savants, ils n'ont pas dit, par exemple, les savants de la Sunna, ils n'ont pas dit « Ah non, on va pas réfuter la fausseté. » Non, ils ont réfuté la fausseté de qu'est-ce que l'imam al-Nawawi a dit. Quand il s'est trompé, il a fait le ta'wil, ils ont dit « Non, ça c'est le ta'wil des sifat, et ça c'est le manhaj des Asha'ira et des gens de Kalam, et ça c'est batil. » Ils ont clarifié ça. Donc, ils ont dit « Ça c'est une erreur. » Mais il y a une différence entre le fait de réfuter les fausses paroles et de montrer que c'est des égarements et le fait d'attaquer les ulama précédents et de les rabaisser ou de les dénigrer ou de les descendre. Alors qu'eux, ils ont une position importante dans la religion. Donc, il faut comprendre les deux contextes. le contexte que tu es en train de, tu veux débattre ou expliquer à quelqu'un la vérité, et que tu es en train de parler à quelqu'un qui lui a beaucoup de respect pour cette personne, et qui prend tout de lui, ces choses, les paroles qu'il dit vraies et les erreurs, il prend tout. Toi, tu veux qu'il laisse de côté les choses qu'il a fait comme erreur et qu'il s'accroche à la vérité de qu'est-ce que cet imam-là a enseigné. Alors, il faut lui expliquer et ramener les choses à la base et aux preuves, et non pas commencer à faire que le débat soit au sujet de l'individu, au lieu que ce soit au sujet de la vérité elle-même. Donc ça, c'est un domaine qui est compliqué. Et ça ne veut pas dire que quand c'est le temps de réfuter les mubtadi'a et de mettre en garde contre les innovateurs, ça c'est un autre domaine complètement différent. Si c'est un égaré ou un innovateur et que tu veux écrire un livre ou expliquer aux musulmans l'égarement qu'il a et mettre en garde contre lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on est en train de parler du contexte où tu es en train de vouloir appeler quelqu'un et de débattre avec quelqu'un qui montre de la sincérité et qui montre qu'il aime la sunna ou la vérité, mais qu'il a il est attaché à des égarements, tu veux le ramener plus proche, ça c'est une chose. Mais là, quand c'est le temps de répondre à ceux qui appellent à l'égarement et qui rejettent tout, qui veulent rien savoir de la vérité, ça c'est un autre contexte différent. Et on voit que les ulama, ils se cachent pas, ils manquent pas de mettre en garde contre ceux-là lorsque c'est nécessaire. Naam. Donc ça c'était pour qu'est-ce qui a rapport avec ces deux paroles-là. Après, on a lu la parole de l'imam At-Tirmidhi. Abu Isa At-Tirmidhi. Et on va terminer avec la parole de l'imam Abu Zur'a Ar-Razi. Wa rawa an Abi Zur'a Ar-Razi annahu su'ila an tafsiri قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Abu Zur'a al-Razi, un des grands imams d'Ahlus Sunna? Il a dit, on lui a posé la question au sujet de l'interprétation du verset 5 dans Surat Taha. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Il a dit, le tafsir de ce verset, c'est tel qu'il est récité. Le tafsir de ce verset, c'est tel qu'il est récité. Que le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de son trône et que sa science est partout. Allah subhanahu wa ta'ala est partout par sa science. Et celui qui dit autre que ça, alors il a la malédiction d'Allah sur lui. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Donc ça c'est la parole de l'imam Abu Zur'a. On avait lu la parole avant de l'imam Abu Isa. Abu Isa At-Tirmidhi, c'est l'imam qui a écrit Sunan At-Tirmidhi. Vous connaissez Sunan At-Tirmidhi? Non. Donc c'est un des grands imams du hadith. Qu'est-ce qu'on a dit à son sujet? Son nom, c'est Muhammad ibn Isa ibn Sawra At-Tirmidhi. Et l'imam al-Zahabi a dit à son sujet, donc il dit, on est certain du fait que c'est un imam, et on est certain au sujet de sa mémorisation et de sa compréhension de la religion. Ibn Hibban a dit, il fait partie de ceux qui ont écrit et rassemblé les hadiths et qui ont mémorisé les hadiths. Et donc c'est l'imam Abu Isa At-Tirmidhi. Et on n'a pas mentionné ici sa date de naissance ou sa date de son décès. Et à propos de l'imam Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Zur'a lui, son nom c'est Ubaydillah ibn Abdul Karim ibn Yazid Ar-Razi. Et l'imam Ahmad a dit personne n'a traversé le pont, c'est-à-dire le pont de Baghdad, plus savant que Ishaq ibn Rahouya et plus, avec une plus grande mémoire que Abu Zur'a. Il n'y a pas parmi les savants qui ont traversé ce pont avec un plus grand fiqh que Ishaq ibn Rahouya et une plus grande mémoire que Abu Zur'a. Il fait partie des imams dans la mémorisation et dans la maîtrise du hadith. Il a quitté son pays pendant 14 ans dans la quête de la science. Et il s'est assis pour enseigner à partir de l'âge de 32 ans. À partir de l'âge de 32 ans, il a commencé à enseigner pour enseigner le hadith. Il est mort en l'an 264 de la Hijra. Donc c'est lui dont c'est un des deux Razi dont on a préservé la Aqidah. Hein, on enseigne la Aqidah de l'imam al-Razi, c'est celui-là, c'est cet imam-là. Toutes ces paroles-là viennent réfuter les Jahmiya et Abu Zur'a al-Razi. Non. Son nom c'est, on a dit, c'était Ubaydillah ibn Abdul Karim ibn Yazid al-Razi. Non. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah.